إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Nous continuons toujours cette série de cours intitulée Les étapes de l'au-delà. Lors du cours dernier, nous avions terminé de traiter les règles qui régiront le jugement le jour dernier. Nous avons ensuite parlé des différents témoignages et des différents témoins qui agiront et témoigneront en faveur ou contre les gens le jour du jugement. On avait parlé du témoignage des anges, du témoignage des prophètes et envoyés d'Allah, alayhi salatu wassalam, le témoignage de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le témoignage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le témoignage de la terre, le témoignage des membres du corps, le témoignage de la personne contre soi-même, et le plus immense des témoignages qui est le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on avait parlé du jugement. Il y a ceux qui ne seront pas jugés. Et il y a ceux qui seront jugés. Et ceux qui seront jugés seront de deux sortes. Il y a ceux qui bénéficieront d'un jugement simple, et l'on avait expliqué ce que signifiait le jugement simple. Et il y a ceux qui subiront un jugement difficile, et on s'était arrêté à cette catégorie. Ceux qui subiront un jugement difficile. Ceux qui n'auront pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jal, Al-mulku yawma'idhin il-haqqu lil-rahman, wa kana yawman ala al-kafirin asira. En ce jour, la vraie royauté appartiendra au miséricordieux, et ce sera un jour terrible pour ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi azza wa jal, dans surat At-Talaq, وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Que de cités, que de contrées ont vu leurs habitants transgresser orgueilleusement l'ordre de leur Seigneur et de ses messagers. Nous les avons soumis à un jugement sévère et leur avons fait subir un châtiment abominable. Le jour du jugement, il sera procédé à la remise des registres. Et la remise des registres, dans lesquels seront consignées toutes les œuvres de chacun et chacune d'entre nous, cette étape de remise de ces registres précède l'étape du jugement. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui qui se verra remettre son registre des œuvres de sa main droite, alors il connaîtra un jugement facile. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la lettre fa. Et la lettre fa qui fait partie des huruf al-atf en arabe, qui est une lettre qui sépare deux choses. La lettre fa est utilisée en langue arabe avec deux sens. Le premier sens, c'est le sens de l'ordre, c'est-à-dire que ce qui est cité avant le fa précède ce qui est cité après le fa, après la lettre fa. Et le deuxième sens de cette lettre fa, comme le disent les savants de la langue arabe, taqtadi at-tartib wa at-ta'qib. Et la deuxième chose, c'est que la lettre fa a pour sens également que ces deux choses, l'une précédant l'autre, il y a un court laps de temps entre celles-ci. Ici, Allah Azza wa Jalla dit, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, celui à qui l'on remettra le livre de la main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, alors il connaîtra un jugement facile. Ainsi, la remise des registres précède le jugement. Et le temps qui sépare la remise des registres et le jugement est un temps qui est court. Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres versets, dit « وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dans les versets 13 à 15 de Sourate Al-Isra, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens des versets, « Nous avons soumis chaque homme à son sort. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons le livre de ses œuvres, qu'il trouvera déployé devant lui. Puis il lui sera dit, « Lis ton livre. Tu suffis aujourd'hui pour comptable de tes actes. » Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les livres, les registres seront présentés, c'est-à-dire qu'ils seront remis. Ils seront déployés devant la personne. Il devra les lire, puis il sera jugé. La remise des registres précède donc le jugement. Et tout le monde lira son livre, tout le monde lira son registre, même ceux qui, dans cette vie d'ici-bas, étaient illettrés. La remise de ces registres se fera en fonction des personnes, pieuses et non pieuses, des personnes croyantes ou non croyantes. Certains prendront et saisiront leur registre par leur main droite, et d'autres, et ce sont les croyants et ceux qui n'auront pas cru en Allah Azza wa Jal, recevront leur livre de leur main gauche placée derrière leur dos. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Inshiqaq, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Celui à qui on remettra le livre de ses œuvres dans la main droite sera soumis à un jugement facile et retournera heureux vers les siens, c'est-à-dire au paradis. Quant à celui qui recevra son livre dans son dos, il demandera à être anéanti et brûlera dans un brasier. Et dans les versets de Sourate Al-Haqqah, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقَرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قُطُوفُهَا ذَانِيَهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Des versets extraordinaires pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un cœur qui médite. Dans ce verset 19 à 33 de sourate Al-Haqqah, qui sont une exhortation en soi, Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, Celui à qui on remettra le livre de ses œuvres dans la main droite dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais certain de rendre des comptes. » Il connaîtra une vie agréable qui le satisfera, dans un jardin élevé dont les fruits sont toujours à portée de main. Mangez et buvez en toute quiétude, en récompense de ce que vous avez accompli durant les jours passés, c'est-à-dire sur terre. Quant à celui à qui on remettra son livre dans la main gauche, il dira « Malheur à moi, j'aurais souhaité que mon livre ne me soit plus remis, et ne pas avoir connu mon compte, si seulement ma mort avait pu être définitive, mes richesses ne m'ont servi à rien, mon pouvoir a disparu. » Puis Allah dira « Saisissez-le, mettez-lui un carcan et jetez-le dans la fournaise. Puis transpercez son corps d'une chaîne de 70 coudées. » Et la plupart des mufassirin disent que cette chaîne qui transpercera son corps entrera par sa tête et sortira par son derrière. Wal'iyadu billah. Puis Allah Azza wa Jal dit dans le sens ceci, car ils ne croyaient pas en Allah l'immense, et n'incitaient pas à nourrir les pauvres. Aujourd'hui, il ne trouvera ici aucun ami dévoué qui puisse lui épargner le châtiment. À la lecture de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Haqqah, quant à celui qui recevra son livre de la main gauche. Et dans Sourate Al-Inshiqaq, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la remise du registre qui sera remis dans le dos. Comment comprendre ces versets? Les savants disent que l'on réunit les versets où Allah azza wa jal parle de la remise du registre de derrière son dos et les versets qui parlent de la remise du registre de la main gauche. En réunissant ces versets, les savants ont dit que son registre, les registres de ceux qui n'auront pas cru en Allah Azza wa Jal, leur seront remis de la main gauche qui sera plaquée derrière leur dos. C'est ainsi que l'on réunit entre ces différents versets. Ceci concernant le jugement et cette étape importante et cruciale qui aura lieu le jour du jugement. L'on entame une nouvelle étape parmi les étapes de l'au-delà qui est l'étape de la balance, al-mizan. Après avoir traversé cette étape du jugement et avant celle-ci, l'étape de l'attente, cette situation extrêmement délicate et compliquée, les balances seront alors dressées afin de peser les actions et les registres des personnes, celui dont les bonnes actions seront les plus lourdes sera le victorieux, celui dont les mauvaises actions seront les plus lourdes dans la balance sera le perdant. Et les savants ont dit que l'étape du jugement précède l'étape de la pesée des actions. Ceci car le jugement permet de définir les actions qui seront comptabilisées, celles qui sont acceptées et celles qui sont rejetées. Quant à la pesée, elle est utilisée pour la rétribution. Elle a donc lieu après le jugement. Qu'est-ce que la balance? Son sens linguistique, c'est, comme vous le savez tous, cet appareil qui permet de peser le poids d'une chose. Quant à la balance de l'au-delà, en son sens islamique, c'est une balance réelle qui aura deux plateaux. Allah subhanahu wa ta'ala la dressera le jour du jugement afin de peser les actions de ses serviteurs. Et c'est une balance d'une extrême précision. Aucune erreur de peser n'est possible avec elle. Et ne connaît les détails et la valeur de cette balance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. J'insiste sur le fait que c'est une balance réelle, car certains disent que il n'y a pas de balance le jour du jugement, et que c'est un terme utilisé par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pour signification la justice. Or cela contredit les textes, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouve clairement que c'est une balance réelle qui pèsera les actions des serviteurs. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Anbiya, le verset 47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Aujourd'hui, au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste, si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte, fût-ce d'un poids d'un grain de moutarde, et pour demander des comptes, nous suffisons largement. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » Deux paroles qui sont aimées chez le tout miséricordieux, qui sont légères à la prononciation, qui seront lourdes dans la balance. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Et les pieux prédécesseurs sont unanimes sur l'existence de cette balance. Cette balance est donc réelle et à deux plateaux. La preuve est le hadith connu chez les savants par le nom de hadith al-bitaqa, le hadith de la carte ou du morceau de papier. C'est le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah sayukhallis rajulan min ummati ala ru'us al-khala'iq yawm al-qiyamah. Il dit alayhi salatu wa salam: Allah choisira un homme parmi ma communauté qui sera appelé devant l'ensemble des créatures le jour du jugement. فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا. Lui seront présentés, à cet homme, 99 registres. كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ. Chaque registre ayant la taille de la distance de la portée de la vue. La distance la plus lointaine qui peut être vue à l'œil humain. Ce seront donc des registres extrêmement longs et grands, que ce soit en longueur ou en largeur. Et tous ces registres contiennent les mauvaises actions de cet homme. ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا. Puis Allah dira à cet homme: renies-tu une seule chose de ce qui est inscrit, c'est-à-dire dans ces registres? أَظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ. Est-ce que mes scribes, ces anges qui inscrivent les actions de chacun et chacune d'entre nous, ont-ils été injustes à ton égard? Cet homme dira: لَا يَا رَبْ. فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرُ. فَيَقُولُ لَا يَا رَبْ. L'homme dira: non, mon Seigneur. C'est-à-dire non, ils n'ont pas été injustes, en parlant des scribes, et non, je ne renie rien de ce qui est inscrit dans ces registres. Puis Allah lui dira: as-tu une excuse? أَفَلَكَ عُذْرُ. فَيَقُولُ لَا يَا رَبْ. Il dira: non, mon Seigneur. فَيَقُولُ بَلَا إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ. Puis Allah dira, au contraire, tu as une bonne action chez nous. Tu ne seras pas lésé aujourd'hui. فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Puis sera sortie une carte dans laquelle sera inscrit « J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et j'atteste que Muhammad est son serviteur et envoyé. » فَيَقُولْ أُحْضُرْ وَزْنَكْ. Puis Allah lui dira « Assiste à ta pesée », c'est-à-dire « Maintenant, assiste à la pesée de tes actes. » فَيَقُولُ يَا رَبْ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ. Il dira « Ô Seigneur, que peut faire cette carte face à autant de registres ?» فَقَالْ إِنَّكَ لَا تُظْلَمْ. Allah lui répondra « Tu ne seras point lésé. » قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Puis tous ces registres, ces 99 registres, chacun aussi long que la portée de la vue, seront placés sur un plateau. Et cette carte ou ce morceau de feuille dans lequel est inscrit dans lequel sont inscrits ces deux attestations, sera placé sur l'autre plateau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fatashat is-sijillat. Les registres sont devenus légers. Wa thaqulat al-bitaqa. Et la carte a pesé lourd. » Dans ce hadith, on déduit de nombreuses leçons, mais ce pourquoi je l'ai cité aujourd'hui est pour prouver que cette balance, le jour du jugement, aura bel et bien deux plateaux. Dans un plateau seront placées les bonnes œuvres et dans l'autre plateau seront placées les mauvaises. Quant à cette balance, les savants ont divergé. S'agit-il d'une seule balance ou alors de plusieurs balances? Certains savants ont dit qu'il s'agit de plusieurs balances. Puis ils ont divergé sur ces balances. Certains ont dit qu'il y aura autant de balances que de communautés, et que chaque communauté aura sa balance. D'autres ont dit que ces balances diffèrent en fonction des actions qui sont pesées. Chaque action pesée aura sa balance. D'autres ont dit qu'il y aura plusieurs balances et que celles-ci diffèrent en fonction des personnes et que chaque personne aura sa balance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et rien ne lui est impossible. Et d'autres savants ont dit qu'il s'agit d'une seule et même balance, d'une seule et unique balance. Et ils ont pour preuve un hadith rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak, dans son Mustadrak, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yudha'u al-mizanu yawm al-qiyamah, falaw wuzinat fihi s-samawatu wal-ardu lawazanat, fataqulu al-malaikatu ya Rabb, liman yazinu hadha, fayaqulu Allah, لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. Ils ont pour preuve le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la balance sera établie le jour du jugement. Si les cieux et la terre y étaient déposés, elle les pèserait. Les anges ont dit: ô Seigneur, pour qui pèse-t-elle? Allah dira « Pour ceux que je veux parmi mes créatures. » Les anges diront « Pureté à toi, nous ne t'avons pas adoré comme il se doit. » Dans ce hadith, il y a la preuve qu'il s'agit d'une seule et même balance. Et d'autres hadiths le prouvent. Le hadith que l'on a cité tout à l'heure, deux paroles qui sont aimées chez le miséricordieux, faciles à prononcer et lourdes dans la balance. Thaqilatani fil mizan. Et un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez tous, dans lequel il dit alayhi salatu wa sallam, ma min shay'in athqalu fil mizani. Ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'mini yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Il n'y a pas une chose qui sera plus lourde dans la balance du croyant le jour du jugement que le bon comportement. Et d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite la balance au singulier. Reste une question en suspens, car le terme balance, pour lequel il est voulu la balance de l'au-delà dans le Coran, n'est cité qu'au pluriel. Le terme al-mizan est cité dans le Coran à plusieurs reprises. Il est cité au pluriel et il est cité au singulier. Le terme al-mizan dans le Coran, dans certains versets, il est voulu par la balance de l'au-delà, celle dont nous parlons aujourd'hui. Et il y a d'autres versets qui parlent de la balance de cette vie d'ici-bas, la balance, cet appareil que l'on connaît. وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ar-Rahman. Soyez juste et ne trichez pas dans la pesée. Mais concernant le terme mizan dans le Coran, par lequel il est voulu la balance de l'au-delà, il n'est cité qu'au pluriel dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dans le verset de Sourate Al-Anbiya, le verset 47. Nous dresserons des balances justes. Dans Sourate Al-Mu'minun, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Celui dont, dont les balances seront lourdes. Et dans l'autre verset, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Et celui dont les balances seront légères. Et ainsi de suite. Les savants ont répondu à ceci en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a cité ici la balance de l'au-delà au pluriel car elle est en rapport avec la multitude des œuvres qui seront pesées. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ici le pluriel, que le pluriel a été employé par Allah subhanahu wa ta'ala, le pluriel, les balances au pluriel, a été employé par Allah subhanahu wa ta'ala pour désigner la multitude des œuvres qui seront pesées. Et les savants ont divergé également sur ce qui est pesé. Qu'est-ce qui sera pesé et qu'est-ce qui sera placé sur la balance? Certains savants ont dit que ce sont les œuvres des serviteurs qui seront pesées. Certains pourraient dire comment peser des œuvres, des actions qui ont eu lieu dans cette vie d'ici-bas et qui sont terminées. Comment peser une prière qui a été accomplie, un jeûne qui a été accompli, un pèlerinage qui a été accompli et toutes les autres actions. La réponse est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et que rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est capable de transformer une chose abstraite en une chose concrète qui puisse être pesée. Ceci premièrement. Ensuite, il y a des preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que les actes en soi seront pesés. Les deux hadiths que j'ai cités précédemment. Les deux paroles, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a définis comme des paroles, kalimatani, qui sont aimées par Allah, faciles à prononcer et qui seront lourdes dans la balance. Ce sont donc des actes qui sont abstraits, des paroles que l'on prononce, mais qui seront lourdes le jour du jugement. Pareil pour l'autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Ce qui sera le plus lourd dans la balance du croyant le jour dernier sera le bon comportement. D'autres preuves, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les deux sourates, sourate al-Baqarah et sourate al-Imran, viendront le jour du jugement sous l'apparence de deux nuages et elles viendront intercéder envers celle qui les lisait. Ainsi, ce qui viendra sera, comme l'ont dit les savants, la lecture que le serviteur faisait de ces deux sourates. C'est cette lecture de ces deux sourates qui viendra sous la forme d'un nuage. Ce qui prouve également que les actes, Allah subhanahu wa ta'ala les transforme en une chose concrète, les actions du croyant et du non-croyant dans sa tombe. Vous connaissez tous le hadith de Al-Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, un long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ce qui advient à la personne lorsqu'elle est placée dans sa tombe. Et dans ce hadith, il y est cité que le croyant, un homme viendra à lui avec une belle apparence, de beaux vêtements, dégageant une bonne odeur, et lui dira « Ana amaluk, je suis tes actions ». Et à l'inverse, pour celui qui n'aura pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera un homme à l'apparence effrayante, avec des vêtements effrayants, dégageant une odeur nauséabonde. Et qui dira à celui qui n'aura pas cru en Allah Azzawajal, je suis tes mauvaises œuvres. Donc, transformer des œuvres abstraites en des choses concrètes qui peuvent être pesées le jour du jugement n'est pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le premier avis. Premier avis qui est que ce sont les actions, les œuvres qui seront pesées le jour du jugement, les œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le deuxième avis est que ce qui sera pesé le jour du jugement, ce sont les registres dans lesquels sont consignées les œuvres. Et c'est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis de la majorité des savants et de la majeure partie des exégètes du Coran. À savoir que ce sont les registres des actions qui seront pesées le jour du jugement. Et nul doute que pour cet avis, il y a aussi des preuves. Et la plus grande des preuves est le hadith authentique que l'on a cité tout à l'heure, le hadith de la carte, hadith al-bitaqa, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce seront que les 99 registres seront placés sur un plateau et la carte dans laquelle sont inscrits les deux attestations sera placée sur l'autre plateau. Le troisième avis est que c'est la personne en soi, la personne elle-même, qui sera pesée et placée sur la balance. Et les savants de cet avis utilisent pour preuve tout d'abord, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innahu la yu'ta bil rajul al-azim al-samin yawm al-qiyamati fala yazinu inda Allahi janaha ba'udah » L'on apportera un homme immense et obèse le jour du jugement qui ne pèsera auprès d'Allah qui ne pèsera pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, car il n'aura pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont pour preuve également le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Lorsque certains compagnons lui ont fait la remarque sur ses mollets qui étaient maigres, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était une personne fine, et maigre, radiyallahu ta'ala anha. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, أديو كومبانيون لهما في الميزان أثقل من أحد. En parlant des mollets de Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils seront plus lourds dans la balance le jour du jugement que la montagne de Uhud. » Et dans cela, dans ce hadith, il y a la preuve que c'est la personne elle-même qui sera pesée. Et il y a le quatrième avis qui est que ce sont ces trois choses qui seront pesées, à savoir les actes des personnes, les registres des personnes et les personnes en soi. Et les savants qui ont opté pour cet avis, parmi eux, Al-Imam ibn Kathir, Al-Imam Abu al-Izz, dans son explication de Al-Tahawiyya, et à notre époque, Al-Sheikh ibn Baz, et avant lui, Hafid Hakami, rahimahumullah, disent qu'il n'est pas obligé que ces trois choses soient pesées ensemble. Mais il est possible que, parfois, ce soit les actes qui sont pesés, parfois, ce sont les registres qui sont pesés, et parfois, c'est la personne elle-même qui est pesée. Et cet avis, ce quatrième avis, est l'avis qui rassemble toutes les preuves et tous les textes. Le premier avis, on l'a dit, ceux qui considèrent que ce sont les actes, les actions, les œuvres qui seront pesées. Le deuxième avis, ce sont les registres qui seront pesés. Le troisième avis, ce sont les personnes qui seront pesées. Et le quatrième avis, ce sont ces trois choses qui seront pesées. C'est donc l'avis, wallahu a'lam, qui est le plus prépondérant car il réunit et fait en sorte que chaque preuve et chaque texte soit considéré. Et peu importe l'avis qui est choisi concernant ce qui sera pesé, car en réalité le poids est lié aux actions, aux œuvres, et n'est pas lié à ce qui est pesé en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à peser une personne en soi, mais c'est bien par rapport à ce que cette personne a fait. Et c'est ce qui va définir le poids de cette personne. Ce n'est pas la personne en elle-même, mais ce sont ses œuvres. D'où le hadith qu'un homme immense et obèse sera apporté le jour du jugement, mais son poids n'atteindra pas celui de l'aile d'un moustique. Également, ce ne sont pas les registres en soi qui sont importants, mais les œuvres qui y sont inscrites. Ce n'est pas... C'est une notion qu'il faut absolument assimiler et comprendre. Toutes les œuvres seront pesées. Chaque action sera pesée et aura une influence sur la balance. Mais il y a certaines œuvres qui seront plus lourdes dans la balance que d'autres. Et le doué d'intelligent est celui qui, lorsqu'il lit les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquelles il parle de certaines actions qui seront plus lourdes le jour du jugement, le doué d'intelligence est celui qui sait que le devenir de sa personne dépend de cette pesée le jour du jugement. Et que cette pesée est ce qui définira sa destinée, soit au paradis ou soit en enfer. Ce n'est donc pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Et nous devons, chacun et chacune, œuvrer et redoubler d'efforts pour accumuler le plus de bonnes actions possibles. Ce qui aura le plus d'impact et ce qui sera le plus lourd dans la balance, la parole « La ilaha illallah ». Lorsqu'elle est prononcée avec véracité, avec certitude, avec sincérité, comme le prouve le hadith de la carte. Également, il est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la parole « Alhamdulillah » sera lourd dans la balance. Il dit alayhi salatu wassalam, walhamdulillahi tamla'u al-mizan, et alhamdulillah remplit la balance. Les paroles également, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, comme l'on l'a vu précédemment. Le bon comportement également, comme l'on l'a vu dans le hadith précédemment cité. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apporté par l'imam Ahmad, c'est un hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bakhin, bakhin, la khamsun ma athqaluhun fil mizan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wal waladu salih, yamutu fayahtasibuhu waliduh. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bakhin, bakhin », qui est une parole dite lorsque l'on fait l'éloge et lorsque l'on est satisfait d'une chose. Cinq choses, qu'est-ce qu'elles seront lourdes dans la balance? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar » Ce sont les quatre premières choses citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la cinquième est un enfant pieux qui meurt et dont son père espère la récompense. Dont son père ou sa mère espère la récompense. Donc, parmi les œuvres qui seront lourdes dans la balance le jour du jugement, le fait de perdre un enfant. Celui donc qui a perdu un enfant se rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et espère une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala suite à cette épreuve. Quelles seront les conséquences de la pesée? Que se passera-t-il après la pesée? La réponse est que il y aura trois catégories de personnes. Il y aura ceux dont les bonnes œuvres auront été plus lourdes que les mauvaises. Celui dont les bonnes œuvres auront été plus lourdes que les mauvaises. Celui-ci entrera au paradis et sera sauvé de l'enfer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de par sa miséricorde. Ceci, comme l'ont dit certains salafs, même si ses bonnes œuvres sont plus lourdes que les mauvaises d'une seule et unique hasanat. Car ceci est une promesse d'Allah azza wa jal qui dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Dans Sourate Al-Qari'ah, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens « Celui dont les bonnes œuvres, celui dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd, c'est-à-dire que ses péchés, connaîtra une vie agréable qui le satisfera. » Et dans le verset de Sourate Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Quant à ceux dont la balance sera lourde, et ici la balance sera lourde, c'est-à-dire de bonnes œuvres. Si la balance est lourde de bonnes œuvres, c'est qu'elle est légère de mauvaises œuvres. Et si la balance est légère, c'est-à-dire de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'elle est lourde en mauvaises. Nous devons donc accumuler le plus de hasanat possible, car personne ne sait. Il se peut qu'une seule de ces hasanat soit décisive, et nous ne savons pas laquelle. Donc œuvrons et multiplions les bonnes actions afin de multiplier nos chances d'entrer au paradis qui est aussi vaste que les cieux et la terre. Et cette première catégorie de personnes, dont les bonnes œuvres seront plus lourdes que les mauvaises, ont des degrés différents. Il y a ceux qui n'auront que des bonnes œuvres et aucune mauvaise. Ce sera le cas des prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salatu wassalam. Ce sera le cas aussi des gens extrêmement pieux, ceux qui auront connu le summum de la piété, qui auront déployer des efforts inimaginables dans l'accomplissement des bonnes œuvres Et si ils ont parfois commis des péchés, ils s'empressent à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « At-ta'ibu min al-dhanbi kama la dhanba lah » Celui qui se repent d'un péché, cela revient à ne pas avoir de péché. Lorsqu'il dévie en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'empresse à demander le pardon et à se repentir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cela peut être le cas également de ceux à qui Allah azza wa jal aura accordé un repentir sincère juste avant leur mort. Cette catégorie, c'est le summum de l'excellence. Il n'y aura dans leur balance que des bonnes œuvres, aucune mauvaise. Puis vient le degré qui le suit, ceux qui auront des petits péchés en petite quantité. Puis ceux qui auront des petits péchés en plus grande quantité, jusqu'au dernier, qui auront beaucoup de bonnes œuvres, mais auront aussi beaucoup de mauvaises œuvres. Mais les bonnes actions seront plus lourdes que les mauvaises, même si ce n'est que d'une seule et unique hasanat. Ils feront tous partie des gens du paradis et des habitants du paradis, mais ils n'y seront pas dans le même degré et dans le même niveau. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Chacun d'eux occupera un rang en fonction de ce qu'il aura commis. Après la pesée, ce sont donc la première catégorie de personnes, ceux dont les bonnes œuvres auront été plus lourdes que les mauvaises. Et il y aura la deuxième catégorie, ceux dont les mauvaises œuvres seront plus lourdes que les bonnes. Et ceux-ci sont ceux qui seront éprouvés, ceux dont Allah Azza wa Jal a dit « وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ Quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire, elle sera légère en bonnes œuvres, elle sera donc lourde en mauvaises. Sa destination finale sera un abîme dans lequel il sera précipité tête la première. Qui te dira ce qu'est cet abîme ? C'est un feu ardent, wal'iyadu billah. Ce sont ceux qui viendront le jour du jugement avec des mauvaises actions qui seront plus nombreuses et plus lourdes que les bonnes. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné des mauvaises actions dans cette vie d'ici-bas, elles ne seront pas pesées. Si Allah azza wa jal lui a pardonné des mauvaises actions dans sa tombe, elle ne sera pas pesée. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné des mauvaises actions, le jour du jugement, elle ne sera pas pesée. Mais celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de ne pas pardonner et de ne pas effacer les mauvaises actions, alors il fera partie, wal'iyadu billah, des habitants de l'enfer. La troisième catégorie, ce sont ceux dont le poids des bonnes actions sera égal au poids des mauvaises. Ils apporteront des bonnes actions qui auront exactement le même poids que les mauvaises. Cette troisième catégorie, comme cela est rapporté par plusieurs compagnons, parmi eux Hudhayfa radiallahu anhu, parmi eux Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, la vie le plus prépondérant est qu'ils font partie des gens de l'A'raf. Et l'A'raf, c'est une muraille, une haute muraille qui est placée entre l'enfer et le paradis. L'A'raf en arabe, c'est le pluriel de arf. Et l'A'raf en arabe, c'est un endroit élevé. L'A'raf, c'est donc un mur élevé qui est une sorte de barrière entre les gens du paradis, entre le paradis et l'enfer. Et c'est ce qui est cité dans Surat Al-A'raf. Et ils resteront sur cette muraille une durée qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé. Ils seront donc dans un endroit neutre entre le paradis et l'enfer. Les bonnes actions accumulées ne leur permettent pas d'entrer au paradis dans l'immédiat. Et les mauvaises actions accumulées ne permettent pas de leur éviter l'enfer. Ils y resteront donc un temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Puis, leur destination finale sera le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 46 à 49, où il nous parle justement des gens de l'A'raf qui s'adresseront, de par leur position élevée au-dessus de cette muraille, ils pourront s'adresser à la fois aux gens du paradis et aux gens de l'enfer. Allah Azza wa Jal dit وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Entre eux se dressera une muraille, entre les gens de l'enfer et les gens du paradis. Et au sommet de cette muraille se trouveront des hommes, ces hommes, ces femmes, dont les bonnes actions auront les mêmes poids que les mauvaises, qui reconnaîtront les hôtes de chaque demeure à leurs signes distinctifs. Ils reconnaîtront les gens du paradis et des habitants de l'enfer à des signes qui les distingueront. Ils crieront aux hôtes du paradis, c'est-à-dire ceux, les gens de l'A'raf, crieront aux gens du paradis, aux hôtes du paradis, que le salut soit sur vous. Ils espéreront accéder au paradis où ils ne seront pas encore entrés. Donc les gens de l'A'raf s'adresseront aux gens du paradis et les salueront et les féliciteront et espéreront entrer au paradis. Et quand leurs regards se porteront sur les hôtes de l'enfer, ils diront « Seigneur, ne nous mets pas avec les transgresseurs. » Les gens au sommet de la muraille interpelleront des hommes qu'ils reconnaîtront à leur signe distinctif. Ils reconnaîtront des gens parmi les habitants de l'enfer et diront « Ce que vous amassiez comme richesse et votre orgueil ne vous ont été d'aucune utilité. Est-ce au sujet de ces gens que vous juriez qu'Allah ne leur fera pas miséricorde ? Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira aux gens de l'A'raf, entrez au paradis où vous n'éprouverez aucune crainte et ne serez point affligés. C'est donc le devenir de cette troisième catégorie de gens après la pesée. Et je terminerai par cette parenthèse. Ibn Hazm, rahimahullah, dans son livre qu'il a appelé At-Talkhis li wujuh at-takhlis, c'est un livre dans lequel il répond à plusieurs lettres que lui ont adressées des amis et des proches, dans lequel ils lui ont posé un certain nombre de questions en rapport avec la croyance et en rapport avec le fiqh également. Et dans sa réponse, Ibn Hazm rahimahullah a dit « Ya laytani akunu min ahli al-a'raf » Si seulement je pouvais faire partie des gens de l'A'raf. Et cette parole a été attribuée avant Ibn Hazm au compagnon radiyallahu an, Salim, le servant d'Abu Hudhayfa. Salim, le servant d'Abu Hudhayfa, qui était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est connu notamment dans le hadith de l'allaitement de la personne pubère. L'allaitement de la personne pubère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé à la femme d'Abu Hudhayfa d'allaiter Salim Mawla Abi Hudhayfa. C'était donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui aussi cette parole lui a été attribuée: si seulement je pouvais faire partie des gens de l'A'raf. Que dire de nous qui n'arrivons pas à la cheville des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, des mérites qui sont propres à eux? Voici ce qui concerne cette étape de la balance le jour du jugement, et on entamera inshallah ta'ala la semaine prochaine une nouvelle étape qui est l'étape du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la traversée du pont entre le paradis et l'enfer. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين.